Vous qui briguez les faveurs de ce peuple frondeur, ardent moqueur, de ce pays où dit-on tout finit sans façon par des chansons, voulez-vous ce Paris sans danger gouverner son cœur charmant, léger d'un sourire sans rien dire, inviter tout le monde à danser pour garder le flambeau du pays le plus beau. C'est la valse qu'il nous faut pour calmer les propos des méchants et des sots. C'est la valse qu'il nous faut quand la France danse, chante et sourit. La couronne donne moins de soucis au faubourg, à la cour. Chaque balle vaut mieux qu'un long discours. Un archer qui frémit des frissons dans le tandis, c'est la valse de Paris. De la ferme au château, de la reine à Margot, c'est la valse qu'il nous faut. Folle ronde volée par le monde, pour qu'il chante ébloui comme un air favori. Vivre loin des complots, en tout cas.